jamais toi sans moi. C'était ce qu'on s'était dit. Jamais moi sans toi. C'était ce qu'on s'était dit. Mais d'un coup t'as hésité. Depuis que tes copines t'ont parlé, le meilleur je t'ai proposé. Tu m'as dit tu préfères réfléchir, mais réponds maintenant. Plus tard il sera trop tard. J'ai plus envie. Dans mon temps je vois ailleurs. Après l'heure c'est plus l'heure. J'ai demandé ta main, tu me l'as pas donné. Grosse erreur. J'aurais pu devenir l'homme qui t'a tout donné. Maintenant tu veux tout retour, retour, retour, retour, recommencer. J'aurais pu devenir l'homme qui t'a tout donné. Maintenant tu veux tout retour, retour, retour, retour, recommencer. Tout retour, retour, retour, retour, recommencer. J'avais du temps pour toi, je t'aurais donné ce qu'il valait. Je suis un prince, ma princesse, il te suffisait de te demander. On aurait fait le tour du monde, profiter de chaque seconde. Mais tu as dit non, ça te fera l'effet d'une bombe. Quand j'irai en voir une autre, en parlant de tour du monde, baby. J'ai trouvé mieux dans un autre pays. Maintenant tu t'en ronges les ongles, baby. Contente-toi de guetter ma story. Après l'heure, c'est plus l'heure. J'ai demandé ta main, tu me l'as pas donné. Grosse erreur. J'aurais pu devenir l'homme qui t'a tout donné. Maintenant tu veux tout retour. Aujourd'hui c'est toi qui regrette.